j'étais bien peinard avec mes vaches sous mes cochons, sur mon petit terrain à compter les jours et les moutons. Un beau jour, ils sont venus me chercher dans une grosse limo noire. Ils ont dit, votre réputation parle pour vous, nous sommes venus vous voir. Ah, eux. Ah, eux. Ah, eux. Bienvenue, messieurs les loups. Ils m'ont dit, nous avons entendu parler de votre réputation. C'est quelqu'un comme vous qu'il nous faut pour gagner les élections. Ils m'ont mis sur le dos un veston et de bonnes intentions. M'ont amené au bastion du parti et ont dit, passons à l'action. À eux. À eux. Bienvenue parmi les loups. À partir de maintenant, on ne dit plus un seul mot sans avoir au préalable consulté le comité des relations publiques. À partir d'aujourd'hui, on ne s'habille plus n'importe comment, sans avoir au préalable obtenu la bénédiction du styliste en chef du parti. Faut dire qu'un sauveur battu et déchu, ça ne laisse pas grand trace dans les livres d'histoire.